Bilan, page 24. Pardon, madame, est-ce que vous connaissez notre magazine Weekend ? Oui, bien sûr. Vous répondez à 2-3 questions ? D'accord. Est-ce que vous habitez à Lille ? Oui. Vous êtes mariée, vous avez des enfants ? Oui. Combien d'enfants avez-vous ? 2. Un garçon et une fille. Quel âge ont-ils ? 13 ans et 9 ans. Vous travaillez où ? Au centre-ville. Je suis vendeuse aux Galeries Modernes. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ? Ben, moi, j'adore aller au cinéma ou au restaurant, mais mon mari préfère le football. Et alors ? Alors, on va voir les matchs avec nos enfants. Eh oui, je comprends. Quel jour achetez-vous notre magazine ? Le samedi. Je vais chercher les enfants à l'école à midi et j'achète week-end et un autre journal. Votre mari le lit ? Non, il est japonais, c'est difficile. Il ne comprend pas bien. Encore une question. Vous savez que le numéro de cette semaine est un numéro spécial ? Oui. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Oui, je sais. Le journal a 10 ans. Et c'est le numéro 520. Bonne réponse ! Bravo, madame ! Vous gagnez un voyage à Tahiti pour vous et votre famille. C'est pas vrai ! Oh, ça alors ! Merci ! Oh, merci !